de la région de Cognac. Et qui avait pour entrée cette thèse les jeunes viticulteurs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reprend une entreprise familiale, comment on devient viticulteur aujourd'hui. Et ce dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui, c'est la transformation des rapports conjugaux dans les exploitations familiales agricoles. Alors je me permets une montée en généralité brutale, parce qu'en fait ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en faisant un aller-retour entre des statistiques à l'échelle nationale et sur l'ensemble des secteurs agricoles et mon terrain ethnographique, je vais essayer de vous montrer que ce que je décris à Cognac peut avoir une portée un peu plus grande pour décrire des transformations de l'agriculture. Donc je vais en fait organiser ma présentation en deux parties. Je vais d'abord vous parler de la généralisation du travail à l'extérieur des jeunes femmes, des compagnes d'agriculteurs et plus précisément donc de viticulteurs sur mon terrain. Alors du coup, on reparlera à la fin, j'en suis sûre, hein, du retour des femmes dans l'agriculture. Moi, je ne le dirais pas du tout de cette manière-là, puisqu'on dans ce que je vais décrire moi, on va plutôt voir des femmes ne sont plus agricultrices comme l'était leur belle-mère à la génération précédente. Et puis ma deuxième partie portera sur... Donc ça sera en fait une partie plutôt court terme sur quelle est la place de ces femmes dans les exploitations viticoles, et quelles sont les implications pour ces femmes et pour ces entreprises de cette augmentation du travail à l'extérieur. Et puis ma deuxième partie dressera plutôt des perspectives de long terme sur la fragilisation des rapports conjugaux. Donc, en gros, j'y reviendrai, hein, mais si on regarde si on fait un état des lieux statistiques de la situation matrimoniale des agriculteurs aujourd'hui en France, c'est la catégorie socio-professionnelle qui se marie le plus, se sépare le moins, divorce le moins. Et je vais essayer de vous montrer à travers toujours l'exemple à travers toujours mon enquête ethnographique que on peut pas considérer ces familles agricoles comme des conservatoires des traditions familiales qui seraient épargnées par les transformations plus générales des rapports conjugaux que décrivent les sociologues de la famille, mais essayer de voir comment ça se répercute, cette question de la fragilité des rapports conjugaux, dans ces familles-là. Voilà le programme. Donc c'est copié. Alors en deux mots, ma thèse, mon enquête, l'enquête ethnographique, donc c'est une enquête ethnographique classique, hein, située dans un réseau d'interconnaissances de familles de viticulteurs de la région de Cognac. Donc au départ, j'ai voulu rencontrer des jeunes viticulteurs qui étaient en cours d'installation. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que pour comprendre pourquoi ces jeunes s'installaient, il fallait impérativement que j'aille voir leurs parents, éventuellement leurs grands-parents. D'ailleurs, c'était très facile, puisque comme ils habitaient tous sur place, quand j'en allais voir un, je voyais souvent l'ensemble de la famille. Et puis aussi leurs compagnes. À ces jeunes viticulteurs quand ils en avaient une. Et du coup, j'ai habité sur place pendant 5 ans, au fur et à mesure des années, ça a été une enquête ethnographique où je me suis installée et où j'ai vu et revu ces jeunes viticulteurs, ces familles. Donc j'ai enquêté sur environ une trentaine de familles. Mais avec à chaque fois, sur chaque famille, donc si vous regardez les annexes de la thèse, on voit bien que dans chaque famille, j'ai plusieurs points d'entrée à chaque fois pour avoir une même situation, pour avoir le point de vue sur une entreprise familiale de plusieurs points de vue. Donc j'ai souvent les deux conjoints, les parents, parfois j'ai fait au cas par cas, parfois je suis allée voir les frères et sœurs, parfois les grands-parents, enfin voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des monographies de famille, et je trouvais que ça avait vraiment du sens. Et donc c'est un travail à l'échelle d'entreprise familiale. Voilà. Alors ce dont je vais vous parler maintenant, c'est... et bien sûr, c'est aussi, je pense, parce que je suis une femme, une jeune femme, que j'ai rencontré beaucoup d'autres jeunes femmes qui étaient compagnes de jeunes viticulteurs. Donc je pense que mon enquête... est évidemment liée à ma position genrés. Il me semble que, donc là je vais enchaîner maintenant sur le fond, là, sur cette question du travail à l'extérieur qui est centrale. Puisque, alors là je parle à l'échelle de la France en général, le secteur agricole en France a connu depuis les années 70 une transformation qui est passée assez inaperçue, qui est la progression continue du travail salarié des compagnies d'agriculteurs à l'extérieur des exploitations. Alors si je fais un petit état des lieux statistiques, en 1970, 7% des épouses actives déclaraient exercer une activité professionnelle non agricole. En 1979, c'était 14%, en 1988, 30% et 51% chez les moins de 35 ans. Donc ça, c'est 88. Et en 2000, au dernier recensement de l'agriculture, ça confirme cette tendance puisque 40% des couples comprennent un ou une conjointe, mais on sait que souvent c'est la femme, hein, active dans un secteur non agricole. Donc 40% de l'ensemble des couples et 2/3 des jeunes ménages. Jeunes ménages, c'est moins de 35 ans. 2/3. Dans mon enquête à Cognac, c'était tous. C'est-à-dire, tous ceux que j'ai rencontrés, je n'ai jamais rencontré une seule. Alors après, on parlera, j'ai pas prévu d'en parler dans mon topo, mais je suis sûre que vous me poserez des questions sur est-ce qu'il y a des viticultrices. Donc ça, je l'écarte là. Mais quand il y avait un jeune viticulteur qui reprenait une exploitation et qu'il était en couple, dans mon enquête, toutes les jeunes femmes travaillaient à l'extérieur de l'exploitation. Ça en fait, c'est le fait que ce soit aussi massif sur ce terrain, c'est un effet de la spécialité agricole en question, c'est-à-dire la viticulture. Christophe Giraud et Jacques Rémy ont écrit un texte qui n'est pas encore paru, mais je fais de la pub. Il va paraître dans un numéro que j'ai coordonné de la nouvelle revue de l'INRA qui s'appelait, donc avant Cahier d'économie et sociologie rurale, ça va s'appeler maintenant Revue d'études en agriculture et environnement. Et le dernier numéro de l'année qui, évidemment, comme dans toutes les revues, paraît souvent en janvier ou février, mais le dernier numéro de 2008 est un numéro sur l'agriculture et il est ouvert par un article de Christophe Giraud et Jacques Rémy, qui font un état des lieux statistiques des rapports matrimoniaux en agriculture, et ils montrent qu'en gros, il y a deux modèles. Dans le secteur des céréales et de la viticulture, il y a vraiment une généralisation que moi j'ai pu observer du travail à l'extérieur des jeunes femmes qui ne sont plus originaires qui ne sont plus d'origine agricole. C'est aussi ce que moi j'ai observé sur mon terrain. Alors que dans le secteur de l'élevage, il y a encore un recrutement plus fort matrimonial de jeunes femmes qui sont d'origine agricole et qui travaillent sur l'exploitation, notamment pour la traite. Donc moi, ce dont je vais vous parler là, c'est donc il y a eu une progression aussi du travail salarié à l'extérieur dans le secteur de l'élevage, mais elle est en retrait par rapport à la viticulture et aux céréales. Et moi, ce que j'ai observé, là, c'était vraiment une généralisation. Puisque donc toutes ces jeunes femmes travaillaient à occuper des emplois salariés, elles étaient souvent donc employées, elles travaillaient dans le secteur tertiaire, c'est-à-dire comme les femmes hein, en général, dans des emplois d'employés peu qualifiés, type caissière, aide-soignante, aide à domicile. Les plus qualifiées d'entre elles étaient professions intermédiaires, du type infirmière ou professeur des écoles. Et la plupart d'entre elles cumulaient des salaires faibles, des conditions d'emploi et des progressions de carrière peu favorables, avec des contrats à durée déterminée, du temps partiel, du chômage, de l'alternance entre des périodes de congé maternité, congé parental, enfin bref, tout ce qu'on sait sur la situation des femmes hein, sur le marché du travail de façon générale. Et malgré ces situations professionnelles qui étaient peu enviables, ce qui était vraiment frappant, c'est que le travail à l'extérieur de ces compagnes de viticulteurs était revendiqué par tous. C'est-à-dire que les femmes revendiquent leur travail salarié en termes d'émancipation. Je vais y revenir. Mais leur conjoint également était très favorable à ce que leurs femmes travaillent à l'extérieur, puisque souvent pour des raisons financières liées à l'exploitation, c'est-à-dire que ça permettait de joindre les deux bouts dans les périodes difficiles pour les entreprises viticoles. Alors je vais essayer de revenir sur là-dessus en prenant ici plutôt le point de vue de ces jeunes femmes dans un premier temps. Et je voudrais essayer de vous resituer cette question de l'émancipation des jeunes femmes par le travail salarié dans l'histoire des femmes dans l'agriculture. Enfin, dans l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes dans l'agriculture. Et ce sur quoi je vais insister, c'est que les implications du travail à l'extérieur de ces compagnes d'agriculture varient beaucoup selon les positions sociales de ces jeunes femmes et des entreprises agricoles, des entreprises viticoles de leurs conjoints. Alors, si je remonte dans l'histoire, justement, et que je viens à cette période des années 60-70, où l'idéal modernisateur dominait la politique agricole de la France. À l'époque, le travail à l'extérieur des femmes d'agriculteurs en général était extrêmement mal vu dans la profession agricole. Donc ça, c'est ce que m'ont dit, c'est ce que m'ont dit beaucoup de viticulteurs, qu'à la génération précédente, c'était mal vu. Pourquoi est-ce que c'était mal vu? Il ne fallait pas le dire, c'était mal vu dans les syndicats, c'était mal vu à la Chambre d'agriculture, c'était mal vu dans la profession, parce que la loi d'orientation agricole de 1960, comme tu l'as rappelé, promouvait une structure d'exploitation familiale, et plus exactement, en fait, conjugale. Donc, en gros, on peut dire que la politique agricole des années 60 a joué le couple contre la famille plurigénérationnelle. Il fallait faire partir les vieux à la retraite, mais en revanche, il fallait que l'idée, c'était de promouvoir une agriculture de couple qui assure, c'est ce que tu disais à l'instant, une espèce de péréquation, enfin d'atteindre, c'était la parité sociale, voilà le terme de l'époque. Il fallait que les couples d'agriculteurs atteignent la parité sociale et économique avec les autres milieux sociaux, notamment urbains et salariés. Et donc, ce qui était visé à l'époque, c'était moins le travail salarié des femmes en tant que tel que la pluriactivité des petits agriculteurs. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les petits agriculteurs soient... Enfin, il fallait... la pluriactivité des petits agriculteurs était considérée comme un obstacle à la professionnalisation et la modernisation de l'agriculture. Mais du coup, lorsqu'une femme travaillait à l'extérieur, c'était assimilé à cette pluriactivité et donc c'était mal vu. C'était peu légitime et c'était synonyme de l'impossibilité de l'activité agricole à faire bien vivre un ménage. Et donc du coup, ça devait disparaître en même temps que ces petites exploitations. Et effectivement, à l'époque, les cas que j'ai dans les familles de viticulteurs que j'ai rencontrés, les situations où il y avait des femmes qui, donc ce qui est en fait la génération pour moi des parents des jeunes viticulteurs que j'ai étudiés, lorsque la femme travaillait à l'extérieur, c'était vraiment dans les petites exploitations, les plus pauvres, qui n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, et c'était dans ce cadre-là que les femmes travaillaient à l'extérieur, à occuper des emplois en général d'ouvrières ou d'ouvrières agricoles dans les années 60 ou 70. Bon, donc moi ce qui m'a frappé sur cette période des années 60 et 70, c'est que donc la profession joue la carte de l'agriculture de couple. Mais ce qui est frappant, c'est que les femmes à cette période-là, les femmes agricultrices, enfin plus exactement épouses d'agriculteurs, n'étaient pas du tout reconnues comme agricultrices. Vous connaissez, alors je ne vais pas refaire l'histoire de la lente reconnaissance du statut professionnel des femmes dans l'agriculture, mais en gros, ça se joue dans les années, à partir des années 80, 90 et dans les années 60, 70, les femmes sont aides familiales. Comme elles me le disent, une viticultrice me disait, moi j'ai commencé ma carrière, j'étais sans profession, CENT, sans profession, ça veut dire donc sans profession SANS, mais aussi sans profession, travail polyvalent, pas reconnu statutairement, elles font tout et elles font rien à la fois, puisqu'elles ne sont pas reconnues comme chef d'exploitation. Donc voilà, agriculture de couple, mais à l'époque où les femmes ne sont pas reconnues. Et donc selon les milieux sociaux, donc ça, j'ai pas dit, il faut que je le dise tout de suite bien. La viticulture charentaise, c'est pas du tout un groupe social uniforme. Pas du tout. Il y a d'un côté une bourgeoisie viticole extrêmement dotée en, non seulement en capital productif, donc à des grands vignobles, des distilleries, mais aussi en général qui accumule tout un patrimoine immobilier et financier très très important. Donc une maison à la campagne, une maison à la mer, des apparts à Paris, des apparts en location, donc des revenus immobiliers importants, voire des portefeuilles financiers aussi importants, un réseau de sociabilité qui va être celui de des négociants locaux ou des professions libérales du coin, enfin voilà, un réseau de notabilité locale, quoi. Ça, c'est la bourgeoisie viticole. Puis il y a aussi les tout petits viticulteurs qui sont beaucoup plus proches de la condition ouvrière, qui ont des exploitations plus petites, moins bien situées, qui ne vont pas jusqu'au bout de la transformation du produit cognac, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'exploiter la vigne et puis qui vendent tout en vin, qui ne distillent pas. Voilà. Et puis entre les deux, un continuum de situations. Voilà. Bon. Et donc, le travail à l'extérieur dans les années 60 et 70, comme je l'ai dit, ça concerne les petits, ceux qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ils n'en sont pas spécialement fiers. Les femmes de la bourgeoisie viticole, à cette période-là, moi je trouve qu'elles ont moins été viticultrices, qu'elles ont fait un repli sur la scène domestique. Parce que cette période-là, les années 60 et 70, c'est la période où le couple... Donc, je disais agriculture de couple, mais ça se joue aussi dans la sphère privée et domestique. C'est la génération qui est arrivée dans la vie active dans les années 60 et 70, c'est la génération qui s'est émancipée d'un point de vue résidentiel des parents. C'est-à-dire qu'on commence à construire des maisons ou à s'installer dans des maisons en dehors de celle des parents et à avoir une vie de couple d'un point de vue résidentiel séparée de celle des parents. Et les femmes de la bourgeoisie viticole de cette période-là, quand elles, leur principale conquête, ça a été une autonomie conjugale dans ces maisons autonomes, en essayant aussi, dans la bourgeoisie viticole, elles pouvaient se le permettre, de participer le moins possible à l'exploitation dans laquelle il y avait les beaux-parents, la famille, et dans lesquelles elles n'avaient pas leur place. Et puis entre les deux, entre ces femmes... qui travaillaient à l'extérieur pour joindre les deux bouts, et puis ces femmes qui se repliaient dans l'espace domestique, et ben on a l'immense continent des femmes qui étaient aides familiales. Bon, voilà la situation des années 60, je dirais 60-80, qui est en fait aujourd'hui la situation donc des belles-mères, des jeunes femmes que moi j'ai particulièrement étudiées dans ma thèse. Bon, et bien... Pour ces jeunes femmes, la situation de leur belle-mère dans les années 60, enfin de leur belle-mère, c'est ce qu'elles ne veulent pas faire. Moi, j'ai appelé ça un modèle repoussoir. En gros, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas être aide familiale. Elles ne veulent pas se replier sur le être femme d'eux. Voilà, ça, c'est la figure bourgeoise des années 60-80 de la femme repliée sur le domestique. Moi, j'étais la femme d'eux. J'ai tout un entretien comme ça avec une femme qui se décrit comme ça, qui me dit, donc c'est une grande, grande exploitation avec deux frères très connus localement, et qui me dit, c'est terrible quand mon mari dit nous, il ne veut pas dire lui et moi, il veut dire les deux frères. Et quand il dit je, en fait, il m'inclut là-dedans. Donc elle, voilà, et elle m'explique qu'elle a toujours été la femme d'eux. Donc voilà, ça c'est le modèle repoussoir, je dirais, pour tout... pour tous, quoi, que les dans les plus petites exploitations comme dans les exploitations les plus bourgeoises. Et le travail salarié féminin est donc apparu comme ce qui allait faire sortir ces femmes de ce qui allait émanciper ces femmes, ce qui faisait qu'elles n'allaient pas faire comme leur belle-mère, c'est-à-dire trimer toute leur vie pour une retraite de misère, puisque la retraite d'aide familiale, c'est en gros pas grand-chose. Donc voilà, donc elles considèrent aujourd'hui le travail salarié comme l'instrument de leur émancipation. Et donc, comme je le disais, le travail salarié s'est généralisé et il s'est accompagné d'une revalorisation sociale. Dans la profession agricole elle-même, c'est plus du tout honteux d'avoir une femme qui travaille à l'extérieur. Donc ça, j'ai trouvé des textes sur le fait que aujourd'hui, dans le cadre d'une meilleure reconnaissance des fonctions non productives de l'agriculture, notamment le maintien du tissu économique et social rural, on considère comme légitime que les femmes d'agriculteurs ne soient plus agricultrices elles-mêmes. Mais du point de vue de ces femmes, ce qui compte essentiellement, c'est leur émancipation financière, c'est-à-dire avoir leur salaire pour elles-mêmes. Et elles me disent des choses comme ça, je m'assume toute seule, même si c'est pas beaucoup, ça me fait un petit pécule. Donc elles sont très très attachées au fait d'avoir un salaire qui tombe sur leur compte personnel. Donc ça aussi c'est une transformation très forte de ces entreprises familiales, le fait que les femmes ont des comptes personnels, non plus un seul compte qui était le compte de l'homme, de la femme et de l'entreprise aussi. Ici, les conjoints commencent à avoir des comptes séparés. Pour peu qu'il y ait un GAEC, une ERL, il y a aussi une comptabilité spécifique à l'entreprise. Donc il y a une séparation des comptes conjugaux et des comptes de l'entreprise. Et puis aussi, elles mettent beaucoup en avant, ces jeunes femmes, l'autonomisation de leur activité par rapport à leurs compagnons et leurs beaux-parents. En gros, elles trouvent ça très agréable de ne pas être sous les ordres de leurs compagnons, de ne pas être sous les ordres de leur belle-mère. Elles disent « ça me sort, ça me change, je vois d'autres têtes », enfin voilà. Alors, bon, voilà. Donc, globalement, et la première chose qui ressort, c'est ce travail salarié comme émancipateur pour ces jeunes femmes. Maintenant, si on creuse un tout petit peu les choses, et c'est ce que je vais faire là, vous allez voir que le tableau va être un petit peu plus... Là, je vous ai fait le tableau en rose, et puis maintenant, j'introduis les zones grises. Alors, d'abord, sur le plan financier. Donc, sur le plan financier, certes, elles le disent, hein, elles ont, grâce à ce travail salarié à l'extérieur, accès à l'argent, et notamment un argent pour soi. Ça, j'ai des très très belles citations de belles-mères qui, au contraire, expliquent à quel point elles n'ont jamais eu de salaire, jamais de salaire pour elles-mêmes, que l'argent, ça a toujours été l'argent de l'entreprise et qu'elles se sont jamais considérées comme... si elles devaient s'acheter quelque chose pour elles-mêmes, c'était prendre sur le budget de l'exploitation et que... Alors qu'ici, il y a accès à un salaire individualisé versé sur un compte personnel. Et ça, ça compte beaucoup. Mais... ces jeunes femmes sont... Il y a toujours le risque dans ces entreprises viticoles, enfin dans ces familles qui sont aussi des entreprises, il y a toujours le risque d'une collectivisation des revenus féminins au nom du maintien de l'entreprise familiale. Parce que si les hommes, là, ces jeunes viticulteurs, soutiennent à ce point le travail de leur femme, c'est parce que ça permet de payer la facture EDF, ça permet de payer l'assurance de la voiture, ça permet de payer l'essence quand le marché du cognac, ça ne marche pas fort, quand on n'arrive pas à vendre du cognac, quand on n'arrive pas à vendre des eaux de vie, du vin. Ça permet en fait de combler les trous de l'activité viticole. Et donc du coup, voilà, argent pour soi ou argent pour le foyer lorsque l'activité viticole ne marche pas. Voilà une première tension. Et puis surtout, il me semble que la lecture en termes d'émancipation financière des compagnes d'agriculteurs occulte une inégalité qui est persistante entre les conjoints, c'est l'inégalité patrimoniale. Alors cette inégalité patrimoniale, elle concerne, donc comme je l'ai dit, ces jeunes femmes, souvent, la plupart du temps, ne sont pas filles d'agriculteurs. Elles sont filles de... Alors, ça dépend des milieux, ça dépend de quelle zone de la viticulture on parle, mais elles sont filles d'ouvriers, d'employés ou de professions intermédiaires, voire de cadres. Mais du coup, elles n'ont pas de patrimoine... Elles n'ont pas de patrimoine productif au même titre que leurs conjoints. Mais elles n'ont pas non plus de patrimoine immobilier. Dans tous les couples que j'ai rencontrés, Les jeunes couples vivent toujours dans des maisons qui appartiennent soit à l'entreprise familiale, soit aux viticulteurs. Alors en général, c'est on aménage des bâtiments d'exploitation qui étaient inusités. Depuis les années 80, à Cognac, les vendanges sont complètement mécanisées. Donc dans toutes les exploitations, il y avait des bâtiments qui étaient réservés aux vendangeurs. Et ça, c'est très très souvent le lieu de réaménagement pour en faire une maison autonome pour des jeunes couples. Mais ça peut être aussi l'héritage de la maison de la grand-mère, la maison de la tante, ou qui est retapée. Enfin, en tout cas, les viticulteurs ont très souvent des bâtiments à disposition, un savoir-faire technique, des machines, un savoir-faire un peu professionnel qui leur permet de construire des maisons ou d'habiter dans des logements qui leur appartiennent. Il y a très peu de location chez les agriculteurs. Et donc du coup, ils habitent sur place, dans l'exploitation. Ils n'habitent plus avec les parents, mais ils habitent sur place ou pas très loin. Et dans des logements qui appartiennent quasiment toujours enfin même toujours, j'ai un seul cas de location, mais c'était une location transitoire d'un couple où la femme avait une position particulièrement élevée puisqu'elle était directrice d'une association d'aide à domicile et elle était particulièrement diplômée en fait, cette jeune femme. Elle avait un diplôme d'une école de commerce. Et elle, elle avait réussi, et c'est la seule, elle avait réussi à un moment à imposer une location d'un petit appartement à Cognac qui était beaucoup plus près de son emploi, mais toutes les autres, elles vivent sur le site de l'exploitation. Alors ça a deux conséquences. Donc il y a la conséquence patrimoniale, elles ont moins de patrimoine que leur mari ou conjoint, parce qu'ils ne sont pas toujours mariés, mais ça a aussi une conséquence résidentielle. C'est ce que les anthropologues appellent la virilocalité. Les femmes viennent chez leur habiter chez leur conjoint, et vous le verrez dans ma deuxième partie, là, si j'ai le temps de la faire, quand il y a séparation conjugale, il n'y a vraiment aucune question à se poser, c'est elles qui doivent partir. C'est ça la virilocalité. Les femmes sont mobiles et les hommes ne bougent pas. Et cette conséquence, donc ces choix résidentiels qui n'en sont pas, hein, puisqu'elles n'ont pas les moyens financiers d'imposer une location ou d'imposer encore moins une accession à la propriété ailleurs que sur l'exploitation, font que ces femmes vivent sur le site même de l'entreprise familiale. Alors là, j'ai utilisé un concept que j'ai emprunté à Florence Weber, qui est le concept de maisonnée. Alors, maisonnée pour Florence Weber, c'est l'unité de coopération productive réunissant plusieurs personnes, plus ou moins apparentées et éventuellement co-résidentes. Donc, c'est l'idée de personnes qui habitent à proximité et qui font des choses en commun. Et moi, j'ai parlé de maisonnée exploitante pour décrire le groupe d'apparentés qui maintient l'exploitation familiale. Donc, dans le cas classique, c'est un jeune viticulteur avec ses parents, éventuellement ses grands-parents. Il peut y avoir, par exemple, des oncles ou des qui seraient dans le coin et dont ça serait aussi l'activité professionnelle. Mais disons, dans le cas classique, le jeune viticulteur et ses parents. Et ce qui est très frappant, c'est que ces femmes, du fait qu'elles vivent sur le site de l'exploitation familiale, elles sont tout le temps, elles sont là. Alors là, j'ai de très nombreux récits de ces jeunes femmes qui me disent à quel point c'est compliqué d'avoir les fenêtres de sa cuisine qui donnent sur les fenêtres de sa belle-mère, qui surveille ses allées-venues, qui fait irruption dans la cuisine pour le beau-père qui fait irruption dans la cuisine à toute heure de la soirée pour un problème lié à l'exploitation, à la distillerie par exemple. Le fait qu'il n'y a pas de séparation, autant qu'elles le souhaiteraient, entre leur lieu de résidence, leur foyer conjugal et la vie de l'entreprise. Donc, du coup, est-ce qu'elle se... alors, voilà, une des conséquences de ce travail à l'extérieur des jeunes femmes de viticulteurs, c'est le fait que... c'est le fait qu'il y a une personne en moins pour travailler. On pourrait dire ça. Il y a un désengagement de ces jeunes femmes salariées de l'exploitation, par rapport en tout cas à la génération de leur belle-mère. Mais ça, en fait, si on regarde de plus près, c'est pas si vrai. Et surtout, ça dépend. C'est-à-dire que ça dépend de la situation de ces femmes sur le marché du travail. Notamment, les plus fragiles d'entre elles sur le marché du travail, celles qui ont les emplois les moins qualifiés, celles qui ont les emplois les moins rémunérateurs, celles qui ont des emplois, par exemple, à temps partiel, avec des horaires atypiques, quelques jours. Alors, j'ai un cas formidable, c'est une jeune femme qui livre des repas à domicile pour une association de maintien de personnes âgées à domicile. Et ses heures de travail, c'est une poignée d'heures le matin pour préparer les repas avant qu'ils soient emportés dans les camions, et une poignée d'heures l'après-midi pour assurer la vaisselle, etc., le nettoyage de la cuisine. C'est, disons, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi. Son emploi et son boulot est très mal payé. Elle touche, je ne sais plus combien, mais c'est... je ne l'ai pas noté là. Je crois que c'était 3000 francs à l'époque. Donc, elle n'a pas un gros salaire. Eh bien, elle n'arrive pas du tout à se soustraire au travail sur l'entreprise, dans l'exploitation. C'est-à-dire que le matin, quand elle revient, il se trouve que c'est une exploitation où il y a aussi de l'élevage. Elle doit donner à manger aux veaux, elle doit traire de temps en temps. Au moment où il y a la... la taille dans les vignes et l'attachage, elle doit aller donner des coups de main à sa belle-mère, parce que son emploi du temps de travail est d'abord troué, et puis en plus son boulot n'est pas très très bien reconnu dans la famille, et donc du coup elle n'arrive pas du tout à se soustraire aux tâches professionnelles sur l'exploitation. Bon voilà, donc du coup, selon la position de ces femmes sur le marché du travail salarié, elles vont plus ou moins se soustraire à la scène professionnelle de l'exploitation. Et il faut au contraire des ressources culturelles et économiques importantes de la part de ces jeunes femmes pour que ces femmes soient complètement dégagées de l'obligation de travail dans l'entreprise familiale. En fait, si on voulait être très rigoureux, il faut aller regarder deux choses. Il faut aller regarder la position de ces femmes sur le marché du travail salarié et la position de ces entreprises viticoles. C'est-à-dire que s'il y a une personne en moins sur l'exploitation, ça veut dire qu'il faut d'autres personnes en plus, donc des salariés, des saisonniers supplémentaires, des stagiaires. Et ça, toutes les entreprises viticoles ne peuvent pas se permettre d'embaucher cette main-d'œuvre supplémentaire. Donc le désengagement de ces femmes de ces exploitations viticole dépend de ces deux variables-là. J'aimerais bien gérer mon temps. Peut-être je saute ça. J'avais quelque chose sur les tâches domestiques, mais j'ai envie de le sauter. Ah, vous voulez que j'en parle ? Alors j'en parle. On veut en parler. Donc ce que j'avais à dire, c'est que contrairement... Donc, ces jeunes femmes, je l'ai dit, elles sont très attachées à avoir un foyer conjugal autonome. Elles essayent en tout cas d'avoir un foyer conjugal autonome par rapport à l'exploitation familiale. Le problème, c'est que ça aboutit finalement à un accroissement des charges domestiques. Je vous donne un exemple. Une autre jeune femme dont je reparlerai par la suite, qui s'appelle Séverine, qui est aide-soignante. Donc son compagnon Guillaume est viticulteur et elle souhaiterait que donc elle est aide-soignante, ce qui veut dire qu'elle a des horaires de travail très irréguliers dans la semaine qui varient. Parfois elle fait le matin et parfois elle fait l'après-midi et parfois même elle fait la nuit selon les jours elle va être là ou non pour le déjeuner, et elle souhaiterait que le déjeuner soit un moment conjugal, c'est-à-dire qu'elle souhaiterait que pour le déjeuner, elle retrouve son compagnon, elle-même et leurs enfants, et qu'ils mangent ensemble. Le problème, c'est que Guillaume, lui, il préférerait se mettre les pieds sous la table chez sa mère, qui lui propose d'ailleurs de venir déjeuner chez lui, en sachant que les deux maisons sont en vis-à-vis, juste à côté. Et donc, Séverine, Guillaume a accepté de venir déjeuner dans la maison conjugale sous la condition qu'il n'ait rien à faire, c'est-à-dire sous la condition qu'il se mette les pieds sous la table le midi, puisque lui considère qu'il n'a pas le temps de préparer à manger le midi. Mais en fait, donc du coup, il y a eu ce compromis-là. On voit bien que dans ce compromis-là, Séverine, au nom du maintien d'un foyer conjugal autonome, alourdit ses tâches domestiques, alors que par ailleurs elle peut tenir un discours très égalitariste sur les tâches ménagères, c'est pas du tout elle tient ce discours égalitariste et en même temps elle accepte ce compromis là et en revanche elle sait que les jours où elle n'est pas là, elle souhaiterait que Guillaume fasse manger les enfants chez eux, et ça elle n'y arrive pas. Les jours où elle n'est pas là, Guillaume va manger chez sa mère avec les enfants. Et ça fait partie des points de conflit du couple. Bon, j'ai d'autres exemples comme ça, notamment de comparaisons intergénérationnelles où on se rend compte que ces jeunes femmes, elles importent une vision de la maison et de l'entretien de la maison comme un intérieur impeccable qui a un niveau d'exigence sur l'entretien de la maison beaucoup plus forte que leur belle-mère qui avait vécu toute une partie de leur vie avec elle-même leur belle-mère dans la ferme qui était aussi l'entreprise et où finalement ce qui passait en priorité c'était le côté professionnel par rapport au côté domestique. Mais je vous passe sur ces exemples, je vous renvoie à l'article. Et puis dernier point qui est intéressant, c'est donc ce frottement là entre d'un côté émancipation par le travail salarié exigence d'un foyer conjugal autonome de la part de ces jeunes femmes et l'entreprise. Parce que pour arriver à avoir un emploi salarié quand elles ont des jeunes enfants, à votre avis, à qui garde les enfants ? Ben, ce sont les belles-mères. Pourquoi ? Parce qu'on est, à la campagne, il n'y a pas de crèche, hein, il n'y a aucune structure collective de garde du type crèche à part dans les grandes villes, quoi, à part à Cognac ou à Angoulême. Donc il n'y a pas de crèche, il y a seulement des assistantes maternelles, ce qui revient beaucoup plus cher, et aucune de ces femmes n'a les moyens, avec les salaires qu'elles ont, de prendre une assistante maternelle. Donc, presque toutes ces femmes, font garder leurs enfants à leur belle-mère, qui est aide familiale, qui habite sur place, qui est disponible, hein, sans profession, rappelez-vous, sans profession. Donc, ça en fait qu'une de plus, hein, parmi les 100, garder les enfants pendant que la bru travaille. Et donc, du coup, il y a des rapports comme ça assez compliqués entre les belles-mères et les belles-filles, qui est fait de tensions pour maintenir un foyer conjugal autonome, éviter que la belle-mère ne fasse irruption dans la cuisine, etc. Et en même temps, qui est fait d'appui, c'est-à-dire qu'elles comptent sur leur belle-mère pour garder leurs enfants, pour arriver à s'émanciper de la maisonnée exploitante. Elles s'appuient, en fait, en dernier recours, sur les ressources de la maisonnée exploitante, c'est-à-dire sur leur belle-mère. Bon, voilà un petit peu le genre de tension que j'ai analysé là dans ma thèse. Et il me semble que, du coup, ce qu'il faut aller regarder, c'est... Donc, si je reviens là sur ce dont j'étais partie, c'est-à-dire l'émancipation des compagnes d'agriculteurs, certes, ça se joue sur le... Enfin, il ne faudrait pas penser que c'est automatique avec l'accès au marché du travail salarié. Ça dépend, en fait, de leurs conditions d'emploi, des conditions d'emploi de ces femmes sur le marché du travail salarié. Encore une fois, c'est pas pareil si elles ont des emplois à temps plein, bien payés, reconnus, que si elles ont des emplois à temps partiel, du coup, à salaire partiel, voilà. Mais ça dépend aussi de la capacité des femmes et des hommes à davantage partager les tâches domestiques. Et puis ça dépend aussi beaucoup des politiques publiques de prise en charge de la petite enfance. Voilà, ça c'était le... Est-ce que j'ai encore du temps, du coup, pour faire ma deuxième partie ? Oui. Bon, voilà, donc si ça vous intéresse, ça a donné lieu à un article qui est dans Nouvelles questions féministes, qui est sorti cette année. Oui, enfin, peut-être un... Donc volume 27, numéro 2, 2008. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, mais qui s'articule en fait complètement à ce qu'on vient de voir ici, c'est la question de la fragilité des rapports conjugaux. Parce que si encore là on regarde les statistiques nationales, alors le problème c'est que les statistiques là on n'a pas grand chose. On a la dernière enquête pour faire un état des lieux statistiques des rapports conjugaux en France aujourd'hui. On a seulement l'enquête rétrospective étude de l'histoire familiale qui date de 1999, donc qui commence à dater un petit peu. Et si on regarde les pratiques conjugales des agriculteurs, alors je ne rentre pas dans le détail de la démonstration statistique, mais en gros, ils se marient davantage que les autres groupes sociaux. Là, je parle de l'ensemble des groupes sociaux, salariés et indépendants. Ils se marient, donc ils vivent, voilà, ils se marient davantage et ils se séparent moins et ils divorcent moins que l'ensemble des autres groupes sociaux. Bon, voilà, je voulais le faire rapide, mais j'ai fait la démonstration statistique plus détaillée en regardant, parce que là, quand on regarde brutalement, en fait, dès qu'on parle des agriculteurs, il faut aller regarder les effets d'âge, parce que c'est un groupe social qui est plus âgé. Donc, pour faire ce type de comparaison, il faut aller regarder par tranche d'âge. Si on regarde par tranche d'âge, on s'aperçoit que quand même, donc ils sont vraiment loin derrière. Hein. Je vous donne juste un chiffre quand même. Si on prend l'ensemble des... si on travaille sur les hommes, il y a 15,5% des hommes, toutes tranches d'âge confondues, qui ont rompu avec leur première compagne parmi ceux qui ont vécu en couple. Donc en fait, c'est des enquêtes rétrospectives. Vivre en couple, c'est à partir du moment où on vit avec quelqu'un pendant 6 mois et on demande si la première union, il y a eu rupture ou non. Et il y a 15,5% des hommes qui ont rompu avec leur première compagne, parmi ceux qui ont déjà vécu en couple, bien sûr. Et c'est seulement le cas de 6,3% des agriculteurs. Et pour le divorce, 11,8% des hommes, là, toutes tranches d'âge confondues, ont divorcé de leur première conjointe parmi ceux qui se sont mariés, et c'est seulement le cas de 4% des hommes agriculteurs. Donc c'est vraiment très loin. Si on regarde par tranche d'âge, ça fait des profils un peu comme ça, c'est-à-dire que la tranche d'âge qui a le plus divorcé, qui a le plus rompu, c'est la tranche d'âge 40-50. Parce que bien sûr, les plus jeunes sont trop jeunes pour... ils n'ont pas encore eu le temps, disons. et puis, les plus... donc il y a toujours des mélanges, c'est compliqué ces histoires-là, parce que c'est des mélanges d'effets d'âge et d'effets de génération. Mais par contre, le profil de la courbe est le même pour les agriculteurs. C'est-à-dire que les agriculteurs de 40-50 ans sont ceux qui ont également le plus rompu et le plus divorcé, mais quand même bien moins que les autres. Alors... on a tendance à penser que les familles agricoles, c'est les familles traditionnelles. C'est la famille traditionnelle où on divorce pas, où on sépare pas. Et moi, j'ai voulu travailler cette chose-là parce que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais observé dans mon enquête ethnographique. Parmi les jeunes, donc moi je suis toujours centrée sur ma génération là, de jeunes viticulteurs et de leurs compagnes. Et ce qui m'a frappée, c'est que dans cette génération-là, d'abord on a des pratiques conjugales qu'il n'y avait pas du tout à la génération précédente. Il y a une généralisation de l'union libre en début de vie commune, c'est-à-dire qu'ils commencent, ils se marient pas tout de suite. Il n'y a pas un mariage systématique. Plusieurs d'entre eux ont des enfants avant de se marier, ou se marient pas d'ailleurs, ont des enfants sans se marier. Ce qui m'a frappée également, c'est qu'ils parlent de la possibilité de la séparation. C'est-à-dire que la séparation n'est pas du tout une situation improbable ou exceptionnelle, mais ça fait partie des horizons possibles de la vie de couple que de se séparer. Alors j'ai plusieurs indicateurs pour vous faire sentir cette chose-là. D'abord, ils connaissent très bien les procédures de divorce et leurs modalités juridiques. Souvent, dans leur entourage, il y a eu des divorces, il y a eu des séparations, dans leur famille, dans le voisinage, parmi leurs amis. Donc, ils connaissent le langage des procédures de divorce et de leurs modalités juridiques. En 2002, il y a même eu un numéro spécial, un dossier spécial de la revue viticole locale, la revue professionnelle, consacré au divorce, avec donc il y avait rupture du lien conjugal, les conséquences patrimoniales du divorce, les différentes formes de divorce, la place de l'enfant, dans une revue qui s'appelle Le Paysan Vigneron, revue régionale vitivinicole des Charentes et du Bordelais. Donc, vous voyez que ça fait partie des questions qui sont qui les touchent. Et j'ai aussi observé à quel point, alors ça je vais passer rapidement, mais dans leurs rapports conjugaux, j'ai notamment beaucoup travaillé sur ce couple-là de Séverine, l'aide-soignante, et Guillaume. Dans leurs rapports conjugaux en permanence, il y a cette possibilité qui est présente. Parfois c'est une menace, parfois c'est dans les moments de tension conjugale, il y en a un qui menace de partir. Dans les entretiens enregistrés que j'ai fait nombreux avec Séverine, elle m'explique que c'est sa crainte, c'est qu'à un moment ou un autre, l'un ou l'autre prenne la porte. Tous les deux ont déjà vécu avant de vivre ensemble. Ils ont deux enfants. Ils sont ensemble là depuis quand je fais l'enquête. Alors, mon enquête dure 5 ans, mais quand je les rencontre, ça fait à peu près 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont un enfant. Et puis au fur et à mesure de l'enquête, ils ont un deuxième enfant. Donc, c'est pas un couple. C'est un couple un peu installé, hein, qui a une maison, qui a deux enfants. Et sans cesse, dans leur crise conjugale successive là, que j'ai pu observer de pas trop loin, arrive cette possibilité, cette menace. Enfin voilà, c'est pas du tout quelque chose d'abstrait, mais c'est quelque chose de très concret. À un moment, même Séverine fait ses calculs sur est-ce qu'elle aurait droit, elle se renseigne à la CAF sur les allocations qu'elle aurait droit, elle commence à me raconter quel meuble elle prendrait dans la maison si elle partait. Enfin, donc voilà, il y a. Bon. Et alors, Guillaume, donc, pourquoi est-ce que Séverine m'a beaucoup parlé de ça? Parce que. On avait une relation, la relation d'enquête que j'avais avec elle était très particulière. C'était une relation de voisinage qui est devenue une relation d'amitié où elle se confiait à moi. Et évidemment, elle venait se confier à moi plutôt quand ça allait pas bien. Et donc, ça noircit un peu leurs rapports conjugaux. Avec Guillaume, j'avais pas le même type de relation. Donc, lui n'est jamais venu me dire ce genre de choses. Et d'ailleurs, je pense pas qu'il avait, parce que Séverine, j'étais pas la seule à qui elle confiait ces incertitudes là sur le devenir de sa relation conjugale. Je pense pas que Guillaume faisait la même chose, mais Guillaume en revanche refusait de se marier. Séverine voulait se marier avec Guillaume pour s'assurer une stabilité, et Guillaume a toujours refusé de se marier avec elle. Donc si on essaye de réfléchir à pourquoi est-ce que, du coup, il y a moins de divorces et moins de séparations chez les agriculteurs. La première explication qu'on a, qui est une explication classique, je dis classique parce que les sociologues dans les années 70 ont regardé les différentiels de divorcialité selon les catégories socioprofessionnelles et on se rendait compte, donc c'est la grande enquête sur les divorces de 75, que tous les indépendants, pas seulement les agriculteurs, mais aussi les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, divorçaient moins. Et donc, l'explication classique, c'était de dire, à partir du moment où il y a une entreprise familiale, il y a un coût supplémentaire à divorcer, qui a un coût pour la vie professionnelle des deux conjoints, surtout s'il y en a un dont la vie professionnelle dépend de l'autre. Alors, cette explication-là, le problème, c'est qu'elle tient beaucoup moins aujourd'hui. Parce que si je reprends l'enquête histoire familiale de 99, les autres indépendants sont complètement calés sur la moyenne. C'est-à-dire que les autres indépendants en dehors de l'agriculture ont des divorces exactement comme les salariés. Il n'y a aucune différence. C'est vraiment les agriculteurs qui divorcent moins. Donc si je reprends cette interprétation, on peut, avec le travail salarié que je viens de vous décrire des compagnes à l'extérieur de l'exploitation, on peut se dire que ça joue moins. L'avenir professionnel de la femme dépend moins de celle de son époux à partir du moment où elle occupe un emploi salarié à l'extérieur. Et même, c'est parfois l'inverse. J'ai eu des viticulteurs qui m'ont expliqué qu'ils ne voulaient vraiment pas travailler avec leur compagne parce que le risque de séparation, quand je vous disais que ça fait partie des horizons possibles, le risque de séparation est trop important. J'ai un jeune viticulteur qui me dit « Les divorces chez les viticulteurs qui travaillent ensemble, ça produit des catastrophes sur tous les plans. » Et donc pour lui, c'est un argument pour ne pas travailler avec sa... Un argument supplémentaire, je pourrais dire, pour ne pas travailler avec sa compagne. Sur les conséquences financières, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, certes il y a une indépendance financière de l'un et de l'autre, mais les deux ont quand même à perdre un salaire. Les jeunes femmes surtout, ce qui est compliqué pour elles, c'est qu'elles perdent leur logement puisque en cas de séparation, ce sont elles qui doivent partir. Bon, mais tout ça, on en reste à l'idée que ça serait du fait de l'entreprise qui aurait cette moindre propension à divorcer, puisqu'avec ce que je vous ai dit sur les autres groupes, les autres indépendants, il me semble que ça tient, je vous l'ai dit un peu trop tôt, j'aurais dû le dire là, ça tient de moins en moins. Dans ma thèse, au fur et à mesure, je me suis dit qu'il y avait une autre interprétation qui était spécifique à l'agriculture, qui était l'attachement des viticulteurs à la transmission de l'exploitation dans la lignée, et qui là est spécifique à l'agriculture. Je pense que chez les autres indépendants, pour en avoir beaucoup discuté avec mes collègues qui travaillent sur le commerce, il n'y a pas cet attachement à la transmission de l'entreprise dans la lignée. Et en fait, c'est ça le risque que courent les agriculteurs à divorcer. Le risque qu'ils courent, c'est de perdre de vue leurs enfants. Et que leurs enfants, de ne plus parvenir à transmettre l'envie de reprendre l'exploitation chez leurs enfants. Alors j'ai un très très beau cas de ça là dans mon enquête, d'un viticulteur qui a plutôt de la bourgeoisie viticole, pour qui tout a réussi, qui a investi dans beaucoup de choses, pas seulement dans l'agriculture, il a fait aussi beaucoup d'investissements immobiliers, mais il a fait aussi, à un moment il tenait une boîte de nuit, un commerce de vêtements, enfin il s'était diversifié. Et pour lui, il disait qu'il vendait tout, là il était en fin de carrière professionnelle, il était en train plus ou moins de tout vendre. Mais il avait un problème, c'était l'exploitation familiale. Il avait divorcé de sa femme au début de sa vie conjugale, ses enfants étaient très jeunes, et ses enfants habitaient à une centaine de kilomètres de là, ils venaient seulement pendant les vacances, et il n'arrivait pas à les attirer, maintenant qu'ils étaient adolescents, à venir sur l'exploitation. Et alors il me disait que peut-être s'il construisait une piscine, il serait plus heureux de venir là. Enfin, c'était complètement pathétique, en fait, de voir ce viticulteur pour qui tout avait réussi, sauf la transmission de cette entreprise, pourtant florissante, à ses enfants. Et dans le cadre de mon enquête, j'ai assisté à un divorce en direct. d'un jeune couple qui faisait partie de mon enquête, des amis de Séverine et de Guillaume, lui aussi viticulteur, sa femme elle aussi aide-soignante, qui se sont séparés au cours de mon enquête. Et ce qui était vraiment frappant, c'est que ce jeune homme, donc, qui s'appelle Samuel, s'est battu pour avoir la résidence de sa fille. Pour que la résidence de sa fille, qui était âgée de 2 ans, et donc ils avaient un seul enfant, pour que la résidence de sa fille soit fixée à son domicile. Oui, ils avaient qu'un enfant, une fille de 2 ans, une petite fille de 2 ans. Ce qui était assez frappant, c'est que Samuel, c'était pour lui l'enjeu essentiel de son divorce. Il disait, c'est ma fille, ma bataille, sinon on ira au divorce au charbon. Mais au début, ils ont organisé une résidence alternée. Et puis à un moment, la jeune femme... Alors moi, il se trouve que mon enquête, elle dépend beaucoup des circonstances. Mon enquête, au début, je connaissais les deux. Et puis au moment où ils se sont séparés, elle est partie. Et donc du coup, j'ai plus vu que lui. Donc ça déséquilibre un peu les points de vue, mais je vais essayer de vous reconstituer les choses. Donc c'est elle qui a annoncé qu'elle voulait se séparer. Et donc au début, ils ont organisé cette résidence alternée. Puis assez rapidement, elle a demandé, elle, d'avoir la garde de sa fille à plein temps. Et Samuel a résisté énormément à cette chose-là. Et il a obtenu effectivement la garde de cette petite fille de 2 ans chez lui. Et dans tout son discours à lui, c'était vraiment très impressionnant de voir l'intérêt considérable qu'il avait à fixer sa fille, à créer un attachement de sa petite fille de 2 ans à l'exploitation, mais au sens large, c'est-à-dire le lieu, la maison, le lieu, l'exploitation, la région, la viticulture, tout ça, dans un souci très explicite de transmission. Il me disait, si je fais quelque chose, c'est pour le passé. Et donc pour lui, c'était très important d'avoir sa fille là sur place. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu aussi observer les réactions des amis à cette chose quand même assez exceptionnelle, hein, qu'une petite fille de 2 ans soit confiée à son père, c'est assez peu commun. Et notamment aux réactions de Séverine et Guillaume, qui étaient un couple d'amis très proches de Samuel et... je ne sais plus comment je l'ai appelé, Sophie, de Samuel et Sophie. Et Guillaume a pris parti explicitement tout de suite et très vite pour Samuel, voilà, merci. Donc Guillaume a pris très vite, explicitement parti pour Samuel. Vouloir prendre parti, ça veut dire concrètement écrire des lettres, hein, des attestations dans la procédure de divorce qui était très conflictuelle. Et il y a eu énormément de discussions à ce moment-là entre Guillaume et Séverine sur cette affaire-là. Et pour Guillaume, c'est assez clair qu'il jouait lui aussi... donc il disait, il expliquait à Séverine mais aussi à son groupe d'amis que lui aussi exigerait la garde de ses enfants, notamment celle de son fils aîné Kevin, dont j'ai pu observer que lui était le repreneur très petit, hein, 5 ans je vous parle là. Donc Kevin, c'est le futur petit viticulteur déjà. Et j'ai déjà donc Séverine me racontait ça en me disant « Guillaume, tu te rends compte, si on se séparait, il voudrait garder Kevin coûte que coûte. » Il me dit des fois « Tu prends Quentin, le cadet, je prends Kevin, l'aîné. » Enfin, des choses comme ça qui l'horrifiaient. Samuel et Sophie étaient mariés. Alors que Guillaume et Séverine ne sont pas mariés. Et donc justement... Moyenne. La position de Séverine, donc Séverine, elle était complètement partagée. Il se trouve que elle soutenait par moments, elle a moins pris parti dans cette affaire que Guillaume, et à certains moments elle défendait, même si c'était difficile parce que Sophie était partie. Donc Sophie, c'était vraiment celle qui est partie, qui a été exclue comme ça du groupe d'amis, mais elle arrivait en fait, Séverine, à expliciter la position de Sophie en disant qu'on peut étouffer dans le cadre conjugal, que ce qu'elle cherchait c'était une autonomie personnelle, qu'elle ne devait pas se sentir bien. Donc elle arrivait mais en même temps je crois qu'au final elle a... Bon, c'est compliqué, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, donc au final elle a quand même pris parti pour Samuel. C'était pour des histoires de soupçons de tromperie conjugale. mais qui me paraissent pas très intéressantes, parce qu'à d'autres moments elle essayait de défendre Sophie. Et donc si je reprends la position de Séverine, ça lui a fait très très peur cette histoire de séparation où les enfants sont confiés à où la petite fille était confiée au père, puisque elle-même son souci a commencé à se projeter dans cette histoire-là en se disant, et si ça m'arrivait, comment ça se passerait? Alors elle me disait, nous on n'est pas mariés, donc j'ai plus de chances d'avoir la garde des enfants. Et puis elle a aussi conscience que le pouvoir qu'elle a sur Guillaume dans leur relation conjugale, c'est les enfants, c'est-à-dire le risque. Enfin, elle a conscience qu'elle peut lui enlever ses enfants. Et en plus, c'est un refus déclaré de Guillaume de se marier, de s'engager. Oui. Ça comptait beaucoup. Donc vous pensez que ils ont pas divorcé finalement, hein. Ils sont toujours ensemble aux dernières nouvelles. Mais je voudrais finir là ma démonstration. Donc je trouve que tout ça confirme mon hypothèse qui est que le risque principal du point de vue des hommes, c'est la transmission de l'entreprise dans la lignée. Du point de vue des femmes, c'est compliqué parce que ces femmes, elles, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, elles mettent beaucoup plus en avant un foyer conjugal autonome de l'exploitation, une autonomie individuelle, donc elles sont beaucoup plus là-dedans. Et en même temps, toutes les normes aujourd'hui juridiques qui encadrent le divorce mettent l'accent sur le couple parental et le maintien du couple parental au-delà de la séparation. Et donc, donc ça concrètement c'est des lois en France, c'est le fait qu'aujourd'hui il y a à peu près 10% de gardes de résidence alternée qui sont prononcées dans les jugements de divorce avec garde d'enfant, alors qu'il y a 10 ans c'était 1%, donc ça a pas mal augmenté. Et c'est tout le débat sur le droit des pères, la place des pères dans les séparations conjugales, le rapport entre les pères et leurs enfants après la séparation. Et bien ici on est dans un cas où on a des pères qui veulent garder le contact avec leurs enfants et qui se saisissent de ces nouvelles dispositions du droit en faveur des pères pour réclamer ça, jusqu'à, dans le cas de Samuel, obtenir la garde des enfants. Alors que les femmes, et c'est là qu'intervient la question de la virilocalité, les femmes dans cette situation-là, ce sont celles qui viennent et ce sont celles qui partent. Et du coup, elles se trouvent, au moment des séparations, quand il y en a une, elles se trouvent face à un dilemme. S'installer juste à côté pour maintenir le lien entre le père et les enfants, enfin le maintien du couple parental au-delà de la séparation. Et en même temps, géographiquement, elles ont tous les pouces à partir. Si elles veulent retrouver un travail dans les bassins d'emploi où il y en a, bah, il faut s'éloigner. Si elles veulent retrouver un conjoint, si elles veulent retrouver un logement, tous les pouces, elles ont tous les pouces à s'éloigner. Et en même temps, ce modèle de l'indissolubilité du couple parental constitue pour elle une lourde contrainte, celle de vivre à proximité de l'exploitation. Bon voilà, donc ça c'est un peu des pistes de recherche, mais ça me paraissait intéressant ce cas-là, même plus généralement, pour travailler sur... la sociologie de la famille. Donc moi j'ai été formée, on pourra en reparler, pas dans un laboratoire de sociologie rurale, mais j'ai été formée à cheval entre la sociologie de la famille et la sociologie économique. Et dans la sociologie de la famille, il y a vraiment l'idée de modèle diffusionniste, c'est-à-dire que les modèles familiaux se diffusent des classes supérieures vers les classes populaires, des salariés vers les indépendants et des urbains vers les ruraux. Et il me semble que ce que j'essaye de faire là, c'est montrer que c'est pas, il faut pas comprendre ça comme de la simple diffusion, mais il faut essayer d'aller regarder comment, dans un groupe social donné, avec ses contraintes bien spécifiques et bien particulières, se recomposent des questions qui, en fait, sont transversales à l'ensemble des groupes sociaux. Voilà.